Bonjour chères auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette émission Forum Jeunes. Au micro, vous êtes avec moi Pacifique Chuahiro. Vous êtes nombreux à souhaiter apprendre plusieurs langues afin de prétendre à certaines facilités au niveau des voyages pour postuler à un poste ou s'acquitter correctement de son travail. Mais il est certain que la langue qui n'est pas maternelle doit s'apprendre et notre capacité n'est pas à mesure de tout apprendre et surtout de tout garder dans la mémoire. Dans cette émission Forum Jeunes de ce lundi, nous revenons sur cet engouement d'apprendre les langues, mais nous voudrions savoir davantage la meilleure façon d'apprendre les langues tout en parvenant à les parler correctement. Pour en parler, nous sommes avec Joseph Mutoyi, président de l'Association des écrivains au Burundi. Bonjour et bienvenue dans l'émission Forum Jeunes. Bonjour, monsieur Pacifique. Ah, c'est un plaisir, ça faisait longtemps que tu n'avais jamais participé à l'émission. Oui, c'est la toute première fois, moi je participe dans d'autres émissions. Qui ne sont pas pour les jeunes. Je vous remercie. Et sur téléphone, nous aurons deux personnes qui s'occupent des centres de formation de langue ici à Bujumbura pour justement nous entretenir davantage sur leur travail. Encore une fois, à vous tous qui nous suivez, je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Joseph Mutoyi, vous êtes écrivain et vous écrivez en français, une langue qui n'est pas maternelle ici au Burundi, une langue qui nous vient de l'étranger. Est-ce que parler, écrire le français, ça vient spontanément? C'est une langue qui a sa façon de se parler. Comment vous appréhendez le français pour quelqu'un qui voudrait, par exemple, l'apprendre aujourd'hui? Bon, merci de m'accorder la parole. Et quand nous écrivons, effectivement, nous écrivons beaucoup en français qu'en Kirundi, mais également nous écrivons en Kirundi. Mais tout dépend de ce que vous écrivez, du thème que vous développez. Mais souvent, quand vous maîtrisez la langue maternelle et que aussi vous apprenez une deuxième langue, ici chez nous, surtout la langue française et également l'anglais, et vous avez la facilité de pouvoir écrire aussi dans une autre langue. Mais vous savez, tout ce que nous l'écrivons en français, nous étudions en français, les cours sont dispensés en français. Et on nous a appris aussi à lire beaucoup en français, beaucoup de livres sont en français. À un certain moment, vous trouvez que vous avez la facilité d'écrire dans cette langue que dans la langue maternelle. Mais certaines, vous pouvez par exemple, quand vous êtes en train de décrire une situation qui relève de la culture burundaise, vous trouvez qu'il est difficile de décrire une certaine situation avec la langue française et qu'il serait, par exemple, aisé de le faire en Kirundi parce que le contexte relève de la culture burundaise. Mais en soi, le français, peut-être si c'est quelqu'un qui voudrait apprendre le français, il n'a pas terminé le secondaire, il voudrait vraiment avoir un niveau suffisant pour apprendre le français. C'est vraiment facile pour lui? Dans le domaine d'apprentissage, mais également comme dans tout autre domaine, tout dépend de la motivation. Et si vous devez décrocher un emploi quelque part qui est bien rémunéré, on vous exige de maîtriser le français, à ce moment, les gens peuvent apprendre avec facilité parce qu'ils sont motivés. Et si il n'y a pas une motivation quelconque, ou il n'y a pas une certaine exigence, les gens ne sont pas motivés et les gens n'ont pas de facilité d'apprendre. Mais bien sûr, de toute façon, pour apprendre une langue, il est toujours exigé que l'on puisse d'abord solliciter les gens qui sont capables de le faire, parce que ce n'est pas n'importe qui peut enseigner, qui peut faire apprendre à une autre personne une langue. Donc, il faut des gens qualifiés à la matière. Et autre chose, il faut aimer la lecture. Mais bien sûr, pour aimer la lecture, il faut d'abord aussi savoir lire et écrire en premier lieu. Mais les observations, les recherches qui ont été faites trouvent que dans tout ce qui compte, c'est ce qui est derrière cet intérêt. Par exemple, maintenant, les gens ont l'engouement d'apprendre le chinois. Mais il y a quelques années, si on vous trouvait en train d'apprendre le chinois, vous étiez ridicule. Mais aujourd'hui... Et ils apprennent ça facilement, apparemment. Mais oui, parce qu'ils sont motivés. Mm-hmm. Tout ce qui compte, c'est la motivation, c'est ce qui se trouve derrière ce souci d'apprendre. Et vous savez que les gens disent que l'anglais est facile à apprendre. Ce n'est pas toujours vrai, c'est peut-être l'anglais courant, l'anglais. Mais l'anglais académique est aussi difficile que le français. Mm-hmm. Est aussi difficile à apprendre que le français. Mais en fait, les gens apprennent une langue lorsque... ils ont quelque chose qui les pousse à le faire, ils ont un intérêt. Et ne vous en faites pas, notre cerveau a une capacité de s'adapter. Et maintenant, on est en train de découvrir avec une science qu'on appelle, je pense, la neuroscience. Mm-hmm. En rapport avec les neurones et la plasticité de notre cerveau, nous permet d'apprendre immensément de choses et de les associer. Le cerveau, c'est un puissant ordinateur qui, aujourd'hui, on trouve que finalement, n'a pas de limite. Mmh. Sauf peut-être la fatigue. Mmh. Mais sinon, on peut apprendre beaucoup de choses. L'essentiel, c'est la motivation, mais également avoir des enseignants qualifiés, des gens qui sont capables de le faire. Sinon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Mmh. Alors, permettez, nous accueillons au téléphone M. Hermès Guilimane, hein, Herménégilde plutôt. Bonjour, Herménégilde. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire au niveau de Solutions Académiques pour la promotion du Swahili. C'est un club ou un centre où vous aidez les gens à apprendre le Swahili. Vous pouvez un peu nous résumer du travail que vous avez s'il faut vraiment apprendre aux gens le Swahili. Ah, merci. Bon, justement, je suis secrétaire de cette association d'Inodos Approche en sigle. C'est-à-dire, en toutes lettres, Solutions Académiques à la promotion du Swahili standard. Alors, en résumé, nous avons pris cette initiative justement de nous réunir au sein d'une organisation qui pourrait quand même aider les Burundais à faire face à l'intégration régionale avec l'entrée d'ALEAC du pays. Quand nous avons vu que finalement les Burundais doivent communiquer en utilisant le Kiswahili. Alors, nous travaillons surtout dans les universités, là où nous avons des clubs ici et là, surtout à l'université du Burundi, dans presque tous les campus. Nous y donnons des formations. À cette langue swahili. Mmh. Ça montre justement que les gens ont envie d'apprendre. Est-ce que réellement ils viennent par plaisir parce que nous sommes dans les Yassé qu'ils ont envie également d'apprendre le swahili? Mais qu'est-ce qui motive ces gens aujourd'hui vraiment à apprendre le swahili? Parce que même avant c'était une langue où on disait que c'est une langue parlée par les voyous entre guillemets. Justement, ceux qui parlaient le swahili dans le temps passé, on les qualifiait même de Abaswahili, c'est-à-dire des voyous. Mm. Alors, la grande motivation actuellement, justement, réside en le fait que le Kiswahili devient de plus en plus une langue commerciale et une langue parlée par la grande majorité des membres des pays de l'EAC. Donc, ils ne viennent pas non plus par plaisir, mais plutôt par le fait de faire face à cette obligation linguistique qui s'est révélée importante ces jours-ci. Est-ce que vous avez vraiment facile d'enseigner quelqu'un qui est vraiment très motivé à tout apprendre presque en une petite période? C'est vraiment facile pour vous en tant qu'encadreur? Vraiment, ce n'est pas très facile parce que moi-même, à part d'être secrétaire, je suis l'un des formateurs au sein de cette organisation. Donc, il se fait remarquer que la plupart des étudiants que nous occupons trouvent une difficulté surtout liée à ce qu'on appelle interférence linguistique. Parce que nous avons des étudiants qui ont déjà des connaissances dans d'autres langues, dont le français, qui nous est donné au Burundi comme langue secondaire. Et il y a aussi l'anglais qui nous est donné au Burundi comme langue étrangère. Et voilà que le Kiswahili s'ajoute comme une autre langue étrangère. Donc, il y a un problème grave concernant l'interférence linguistique. Nous trouvons des étudiants qui ont... Vous pouvez nous donner des exemples pour, qui prouvent cette interférence, pour les gens qui ne comprennent pas directement ce que vous voulez dire? Ah oui, je peux faire quelques illustrations. Par exemple, quand il s'agit d'apprendre le Kiswahili, alors qu'ils ont déjà de notions en anglais, surtout au sujet de la prononciation, il y a des mots en anglais, par exemple, qui se prononcent comme le Kiswahili. Je vais donner par exemple le mot selasini. Selasini, c'est un mot Kiswahili, mais la prononciation c'est identique à l'anglais. Alors quand ils sont en train de prononcer ce genre de mots, selasini, semanini, il y a une grande difficulté. Il y a aussi des mots rundi qu'ils ont tendance à utiliser dans le Kiswahili, parce que les citoyens qui vivent dans les quartiers de Bwiza, Kamenge ou autres, et la tendance et de ne pas garder la prononciation que nous leur apprenons. Justement, par rapport à toutes ces difficultés, comment vous parvenez à les aider à faire qu'à la fin du cursus, vos étudiants parviennent finalement à parler en anglais, en swahili standard? Merci de la question. Donc, face à cette difficulté, nous leur quand même exhortons le fait que la langue ne s'apprend pas seulement dans les cahiers. Ou en classe, nous les mettons en groupe d'échange, quitte à ce qu'après avoir quitté les classes, et ceux qui vivent les uns à côté des autres puissent encore pratiquer à la maison, donc en parlant, parce que la langue s'apprend sur quatre niveaux. Il y a le parler, il y a l'écrit, il y a le listening, que je qualifierais de l'audition. Mais oui, donc il y a aussi la compréhension. Donc nous leur proposons le fait de faire des dialogues en échange, en groupe, mais aussi nous leur proposons d'écouter les radios et faire la lecture. Je vous remercie, Monsieur Herménégilde, pour cette bonne intervention. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous retournons au studio. Monsieur Boutoui, vous venez d'écouter Herménégilde qui parle d'une certaine interférence quand vous voulez apprendre une autre langue alors qu'il y a d'autres que vous avez déjà en tête, que vous parvenez à parler. Est-ce que vous sentez que ça peut poser un problème pour une personne adulte qui veut apprendre une autre langue? Bon, généralement, pour une personne adulte, ça ne devait pas poser un problème. Ça pose souvent un problème pour les enfants. Quand ils ont commencé à apprendre une autre langue avant qu'ils ne maîtrisent la langue maternelle. C'est là où généralement il y a une confusion. Mais souvent les gens... normalement les gens sont influençables. Tout le monde est influençable. Positivement ou négativement? Positivement ou négativement. Et par exemple, on trouve que les Burundais, dans notre langue, sont influencés des fois par la langue rwandaise. Par exemple, vous avez un mot qui s'est imposé alors que ce mot ne signifie pas réellement ce qu'il doit signifier. Les gens, quand ils doivent dire « ingorane » ou « singorane », ils disent « dufise ibibazo ». Mais ibibazo, normalement, ce sont des questions. Qui dit une question ne dit pas « ingorane ». Alors, mais vous entendez qu'ils font une confusion alors qu'ils sont adultes. Souvent, c'est aussi une certaine influence. Mais ça devient... il y a une certaine... ça devient finalement un combat entre les cultures. Mm-hmm. Alors certaines personnes essaient de ne pas être influencées pour finalement garder les cultures. Vous êtes enseignant, ça tombe bien, c'est vraiment facile parce que vous avez en face de vous des enfants qui viennent de différents milieux. Et c'est vraiment facile de pouvoir inculquer une langue et l'enfant à l'assimiler tel que ça doit se faire selon les normes. Oui, c'est un travail quotidien. Quand vous entendez un enfant qui commet une faute, il faut le corriger. Il faut lui dire, on ne dit pas ceci, on dit cela. Tout comme un adulte. Oui, tout comme un adulte. Mmh. Et c'est pour cette raison que, comme il le dit, la nécessité d'un travail en groupe, mais aussi la nécessité des conférences. Et le problème que nous avons ici, c'est qu'il y a très peu de gens. On a abandonné la culture des conférences. Et quand vous rencontrez les autres personnes, vous parlez et les autres vous corrigent. Des fois, on vous dit, c'est pas comme ça qu'on dit, on dit de cette manière. Alors, c'est une certaine nécessité que les adultes se rencontrent quelque part, échangent, se corrigent mutuellement et finalement arrivent à quelque chose de très raffiné. Quand vous restez dans votre coin, vous ne partagez pas les idées avec les autres, vous restez dans votre ignorance et finalement, vous avez des difficultés d'améliorer votre niveau de langue. Mais aussi pour les adultes, il y a ce qu'on appelle, ça arrive aussi pour les enfants, le sémilinguiste. Finalement, c'est-à-dire, ils ont tendance, on a l'impression qu'ils apprennent, qu'ils maîtrisent plusieurs langues, le multilinguisme, mais finalement c'est le semi-linguisme, parce qu'ils ne maîtrisent ni l'un ni l'autre. C'est à moitié-moitié. Moitié-moitié. Et finalement, quand ils doivent, vous savez, aujourd'hui, il est vrai, on doit parler, mais aussi des fois, on doit écrire. Mais quand il s'agit d'écrire, de faire quelque chose, sur le papier, à un certain moment, ils sont incapables de le faire, parce qu'ils ne maîtrisent aucune des deux langues. Et l'important, c'est de d'abord maîtriser la première langue. Bon, d'abord, c'est la langue maternelle. Puis si vous apprenez une seconde langue... Mais quel avantage de maîtriser la langue maternelle pour apprendre les langues étrangères? Bon, en fait, une langue, ce n'est pas seulement une langue comme telle, ce n'est pas seulement les mots qu'on dit, tout ça. C'est également l'âme. L'âme, c'est une âme de la personne. La langue, dans la langue, véhicule la culture. Et dans la culture, la langue est associée à nos pensées. Et souvent... ce qui se trouve dans notre cerveau sortent par la langue. Et souvent, c'est la façon dont il y a une certaine relation étroite entre le langage et le cerveau, mais également l'intelligence. Et il est vrai que donc, si la personne ne maîtrise pas une langue, il lui est difficile d'exprimer ce qu'il pense. C'est-à-dire, c'est la langue a quelque chose, ça véhicule en fait notre culture, notre façon de voir les choses et notre façon de montrer à l'autre ce que vous voulez dire. À ce moment, si vous ne maîtrisez pas la langue maternelle, finalement, vous ne maîtrisez pas votre langue, le kirundi, vous ne maîtrisez ni l'anglais, ni le kirundi, ni le français, vous êtes quoi? Vous êtes quelque chose de bizarre, en fait. C'est pour cette raison que Il ne faut jamais sacrifier la langue maternelle. Oui, il ne faut pas jamais sacrifier la langue. Soi-disant qu'on est en train d'apprendre des langues étrangères plus utiles peut-être dans la vie. Mais d'abord, il faut d'abord maîtriser la langue maternelle. Ça devient en fait un fondement. Et les autres on va les apprendre, bien sûr, avec un fondement. Le fondement, c'est votre langue maternelle. Sinon, en fait, c'est pas seulement la langue, c'est pas seulement les mots, c'est aussi une culture. Il y a une culture. C'est l'âme de la personne. Voilà. Alors, nous sommes vers la fin de cette émission. Comment justement aider ces personnes qui ont cette motivation, mais quand même, où on voit certains obstacles scientifiques même, qui des fois ne peuvent pas faciliter l'apprentissage des langues étrangères pour les gens qui ont envie vraiment d'apprendre, pour les besoins divers? Normalement, apprendre aussi une deuxième langue, il y a aussi des avantages. Il y a des avantages, j'ai relevé par exemple des avantages, au moins 5 avantages du multilinguisme. Il y a le développement cognitif, c'est-à-dire quand vous apprenez une deuxième langue, vous augmentez votre capacité de voir les choses, parce que dans une autre langue, il y a une autre façon de voir. Finalement, même si nous sommes les mêmes individus, nous n'avons pas les mêmes cultures et nous n'avons pas la même façon de penser. Donc, il faut aussi s'imprégner de la culture véhiculée par cette langue. Oui, par cette langue. Mm-hmm. Mais normalement, quand vous apprenez une langue, il faut le savoir que vous le vouliez ou non, il y a quelque chose qui entre en vous au niveau culturel, qui vous change, qui vous influence. Mm-hmm. Donc, il y a un développement cognitif, vous apprenez la manière de penser des autres, mm-hmm. des gens de cette langue. C'est comme, par exemple, nous sommes influencés par les Français quand nous apprenons les langues. Vous êtes influencés par les Anglais quand vous apprenez les langues. Vous avez aussi les avantages académiques. C'est-à-dire, généralement, il y a en fait ce qu'on appelle les capacités de résoudre des problèmes. Mm-hmm. Oui, capacité de résoudre des problèmes parce que vous pensez autrement. Vous ne pensez pas d'une seule manière. Mm-hmm. Vous pouvez penser d'une autre manière à travers une autre langue. Il y a aussi les avantages d'emploi. Et vous savez, quand on fait un appel d'offres et que vous ne maîtrisez que le... On dit qu'il faut maîtriser le français et l'anglais. Mm-hmm. Et vous maîtrisez que le kirundi, le français, c'est un désavantage. Mais si vous maîtrisez l'anglais, c'est encore un avantage. Le chinois ou, je ne sais pas, l'espagnol. Il y a aussi ce qu'on appelle les avantages culturels. C'est quand vous maîtrisez plusieurs langues, vous avez la capacité de s'intégrer dans une autre culture. Vous avez la capacité de pouvoir comprendre et pouvoir déjà commercer et influencer les autres dans le sens positif, mais des fois aussi dans le sens négatif. Mm-hmm. Mais c'est un avantage. Donc, c'est une facilité aussi. Il y a aussi des avantages émotionnels. Donc, vous savez comment les gens, les autres pensent. Mm-hmm. Vous pouvez anticiper. Oui, vous pouvez créer des liens affectifs. Mm-hmm. Avec ces gens, parce que vous savez comment ils y pensent. Voilà. Mais, donc, pour surmonter ces obstacles, normalement, c'est quoi? Quand vous apprenez, il faut des fois aussi faire un travail qui vous permet de distinguer ce qui est différent. Par exemple, vous apprenez, vous voulez apprendre le français, que vous maîtrisez le kirundi. Il faut chaque fois faire qu'est-ce qui est différent ici. C'est-à-dire établir une série des choses qui ressemblent à ce que vous savez déjà et des choses qui diffèrent de ce que vous savez déjà. Mm-hmm. À ce moment, vous évitez la confusion. Sinon, pour apprendre, comme il a dit aussi, c'est l'apprentissage, ce n'est pas seulement l'enseignant lui, mais il y a l'apprentissage qu'on fait soi-même. Mm-hmm. Il y a par exemple ce qu'on appelle, des fois, on vous dit qu'il faut la lecture. Mais aussi, il faut répéter certaines phrases. Mm-hmm. Il y a aussi des expressions. Il y a haute voix. Dans votre chambre, mm-hmm. avec vous répétez. Et ces mots s'imprègnent de façon naturelle. Et à la fin, quand vous les utilisez, vous ne les cherchez pas. C'est devenu en fait quelque chose qui est intégré dans vous-même. Mais également, créer des occasions de discuter avec les autres, de faire des exposés, de vous exercer. Mais dans cette situation, il y a un problème qu'on n'a pas souligné, c'est souvent la timidité. Mm-hmm. Alors les gens ont peur... Et qui caractérise souvent les bourrons des communautés. Oui. Les gens ont peur que les autres les critiquent, qu'ils ne prononcent pas correctement, qu'ils peuvent dire, raconter des bêtises. Mm-hmm. Mais il faut oser. Et des fois, si vous êtes malin, il faut provoquer les autres. Donc prononcer un mot pour voir ce que les autres en disent, en fait de vous corriger. Mm-hmm. Mais aussi longtemps que vous avez une certaine timidité, vous manquez ce qu'on appelle la confiance en soi, vous n'aurez jamais osé et vous n'aurez jamais quoi que ce soit. Parce que finalement, lorsqu'on doit apprendre quelque chose de nouveau, ce n'est pas seulement la langue, c'est dans toute chose, il y a d'abord ce fait que l'esprit, mais également le corps, on a peur de l'autre, on a peur des critiques. Mais il faut pouvoir surmonter ces critiques. Il faut dire, de toute façon, on doit commencer quelque part. Et puis, on fait le premier pas. Puis le deuxième, c'est comme l'enfant. On tombe, mais l'enfant se relève, puis tombe. Mais bien sûr, l'enfant n'a pas encore ce qu'on appelle le surmoi. Il n'a pas l'idée des autres qui font ce qu'ils vont raconter. Alors, il faut peut-être des fois vous conduire comme un enfant et dire, c'est l'affaire, si je commets une faute, ils vont critiquer, mais demain, ils auront oublié. Mais j'aurai, moi, appris quelque chose et faire en sorte et provoquer des conversations. C'est comme ça. Souvent, les gens sont bloqués par cette absence de l'estime de soi. Voilà, en gros, ce qu'il faut dire. Je vous remercie beaucoup pour vos avis dans cette émission. Aux auditeurs, nous vous rappelons que nous étions avec Joseph Boutoyi, président de l'Association des écrivains du Burundi. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Voilà, je vous rappelle qu'aujourd'hui, Forum Jeunes se penchait sur l'engouement d'apprendre les langues, mais aussi savoir la meilleure façon de les apprendre, tout en parvenant à mieux les parler correctement. Au micro, vous étiez avec moi, Pacifique Chubairo. Je dis également merci à Herménégi de Bigilimana de Sapros pour son intervention sur téléphone. Albert Ndouaï assurait la mise en onde. Continuez à suivre les émissions de la radio Isangani.